On va parler de hockey. On entend parler beaucoup, beaucoup, beaucoup des prospects du Canadien, des Cole Caulfield, Alexander Romanov. On semble vanter vraiment ce groupe de jeunes-là. Et moi, j'ai posé la question, un groupe de jeunes qu'on n'entend pas parler, qui semble très, très prometteur, c'est le groupe des Sénateurs d'Ottawa. Et la question que je me pose ce matin, je vais parler avec le descripteur des matchs des radiophoniques des Sénateurs, Nicolas Saint-Pierre. Quelle est l'équipe qui a le plus de bons jeunes? Les Sénateurs et les Canadiens. Salut, Nicolas! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Nicolas, évidemment, tu es bien placé, tu es le descripteur des matchs des Sénateurs. Nous, à Montréal, on n'arrête pas de parler de Cole Caulfield. Il va aux toilettes, on entend parler. Alexander Romanov, c'est un peu la même affaire, sauf que, tu sais, mais à Ottawa, puis moi, je l'ai pas moi dit, les autres équipes n'ont des bons jeunes aussi. C'est pas que les Canadiens qui ont des bons jeunes. Et hier, on s'est parlé, j'ai parlé à Simon Boisvert, qu'on entend souvent également au 91.9, puis lui, il vient de me dire, il dit, des deux équipes, c'est les Sénateurs qui actuellement les meilleurs, puis en plus, ils vont repêcher peut-être deux choix dans les cinq premiers. Oh oui, tout à fait. Là. Si dans le meilleur des scénarios, là, le scénario hollywoodien, les Sénateurs peuvent certainement penser là, à repêcher là, dans les cinq premiers choix au total. Ça serait incroyable. Mais au-delà de tout ça, je pense que pour l'instant, puis de peur de faire mon homer encore une fois, ouais. Je pense que les Sénateurs, c'est évident qu'ils regorgent en ce moment d'espoir qui cogne à la porte de la Ligue nationale de hockey. Je pense que la profondeur à ce niveau-là est beaucoup plus prépondérante que dans bien des scénarios ailleurs dans le circuit Batman. OK. Quels sont ces jeunes-là? Je l'ai ici, là, actuellement. J'ai Eric Benstrom, il y a Drake Patterson, il y a Logan Brown, il y a Alex Formanton, Lacey Thompson. On les qualifie des meilleurs prospects. Est-ce que tu me confirmes que c'est pas mal eux autres? Ben, c'est pas mal ça. Il y a Shane Pinto qui vient d'être nommé là, la recrue du mois là, pour cette division avec North Dakota. Ce bonhomme-là, encore une fois, un choix de deuxième ronde, dernier repêchage. Bref, je pense qu'on a fait le changement. On s'est assumé cette transition-là, la reconstruction, mais on a fait notre due diligence, on a fait nos devoirs, puis Pierre Dorion, s'il y a une chose qu'on a pu lui reprocher ou une chose qui est certainement un de ses points forts, c'est le dépistage, l'évaluation évidemment des talents. Puis avec son équipe, on a fait le travail. Puis écoute, tu parles Norris, Formanton, Balseuse qui est venu, qui repart là-bas, ouais. Qui va aider certainement, puis qui est un joueur imposant là-bas avec Belleville. Abramov, qu'on est allé chercher dans une transaction. Faut pas oublier non plus Logan Brown. On vient de nous assurer encore. On parlait avec des dépisteurs hier pendant le match au Centre Canadien Tire, puis il nous disait que oui, Logan Brown, ça tarde, mais faites-vous-en pas. Ça va être un joueur Ligue nationale de hockey. Je sais pas si ça sera le joueur, le centre numéro un qu'on prétend. On souhaite que oui, mais en tout cas, ça sera un joueur Ligue nationale de hockey. Il y a plein de joueurs en ce moment qui cognent à la porte, que ce soit au niveau de Belleville ou des joueurs au niveau junior. Brandstrom, certainement, là, une des pierres angulaires pour le futur à la ligne bleue. On a vu ce qu'il était capable de faire quand il évolue à la droite et non à la gauche, qui est son côté naturel. Okay. Il nous a dit que la place qu'il aime jouer, c'est à la droite. Bref, en tout cas, c'est un autre dossier, mais certainement, on doit être excité là, avec la venue de tous ces joueurs-là là, qui vont faire partie de la Ligue nationale de hockey dans un avenir très, très rapproché. Dans le cas de Logan Brown, c'est un joueur de centre format géant. C'est toujours un peu plus long, les développer. Hein? Ouais. Ça, on nous a dit ça souvent, puis on m'a dit ça souvent, pardon, c'est que des joueurs, justement, avec cette carrure-là, longiligne comme ça, c'est difficile de s'adapter puis à bien bouger dans ce corps-là. Puis des fois, oui, la progression se fait un petit peu plus longtemps. Des fois aussi, c'est une question d'éthique de travail, c'est une question d'éthique à l'ouvrage aussi. Je ne veux pas faire un débat concernant justement là, ce qu'est Logan Brown en ce moment, mais chose certaine, c'est qu'avec son entourage de jouer des qualités minutes là-bas à Belleville, ben, ça n'a fait que croître en confiance, puis certainement là, qu'on l'a vu encore une fois quelques reprises ici. C'est sûr que lui est capable de tirer son épingle du jeu, mais ça sera une affaire de constance pour l'instant. Dis-moi, les gardiens de but des Sénateurs, est-ce que vous êtes quand même en voiture du côté-là de la relève? Oui, encore une fois. Hein? On voit Ogberg. On voit, pardon? Il n'y a pas un Gustafsson, un Suédois qui est là à Ottawa? Ben, en fait, là, on a Ogberg en ce moment, ouais. qui, euh, s'est amené ici pour lors d'une blessure pour Nielsen et Anderson. Ouais. On l'amène, on s'attend pas à grand-chose cette année. Nielsen, commotion cérébrale, période prolongée. On se retrouve avec Hogberg et Anderson. On donne la place à Hogberg et honnêtement, Hogberg impressionne en ce moment. Puis si on pensait que l'an prochain, Nielsen avait le poste de numéro un, c'était chose faite. Mais avec ce qu'on voit en ce moment d'Hogberg, je peux vous dire une chose, c'est qu'il va certainement là donner du fil à retordre pour justement cette position-là. On parle de Joey DeCore. On parle de Gustafsson, ouais. C'est des gardiens là, qui pourraient certainement là, être des gardiens dominants. Puis un peu comme récemment les Penguins de Pittsburgh qui avaient une certaine profondeur, il y en a encore à la profondeur à la position de gardien de but. Je pense qu'on se retrouve avec une situation similaire là, avec les Sénateurs. OK. Question que je me pose maintenant. Donc, il n'y a pas juste à Montréal qui a des bons prospects. Là. Écoute, Snake, Simon Boivin m'a dit qu'il y a 4 à 5. À Belleville, actuellement, il y a 5 joueurs qui sont assurés de jouer dans la Ligue nationale. Canadiens pas ça, là. Puis en plus, non, à Laval, là, tu sais. Puis c'est peut-être le problème également, je pense, puis de ma perception, puis écoutez, là, je parle d'une partie assez détachée aussi, là. Je suis pas au quotidien du Canadien, mais ce qu'on doit constater en ce moment, c'est que c'est un échec au niveau du développement des joueurs, du repêchage et tout ça. Puis le nombre de choix de première ronde au cours des dernières années qui ne font plus déjà plus partie de l'organisation, faut quand même se poser des questions et trouver des pistes de solutions à ce niveau-là. OK. On est à quoi? Une couple de semaines. Est-ce que tu penses que Jean-Gabriel Pageau va partir? Plus on s'approche de cette date-là, moins je suis convaincu. Puis, gars, j'en parlais avec les partants la semaine dernière à TVA Sports. Puis, je doute fort que Jean-Gabriel Pageau fasse partie des Sénateurs au-delà du 24 février. Il n'y a aucune négociation encore. Je vais me trouver dans l'air avec ça parce qu'à tous les jours, je le crois, je lui demande est-ce qu'il y a des négociations, quelque chose. Puis, je l'ai croisé, il m'a dit non. Je l'ai interpellé alors qu'il s'est loin. J'ai dit, regarde, juste quelque chose. Y a-tu quoi, quelque niette? Rien. Mm. Alors, je me demande, écoute, il y a tellement de dossiers sur le bureau de Pierre Dorion en ce qui concerne les agents libres sans restriction, en plus de quelques agents libres avec restriction dont fait partie Anthony Duclair. Puis même si on nous dit qu'un contrat peut se régler rapidement, ben il y a aussi l'aspect respect dans tout ça. On n'a même pas au moins donné, je sais pas, un petit nanan ou un signe ou une porte au mois de septembre pour dire, écoute, on va s'occuper de ça. Autant Borvieski, autant Demelo, autant que Pageau. Alors, je pense qu'il fait partie du passé, puis c'est dommage. Mais écoute, je suis le premier à me réjouir si Pageau demeure. Mais c'est un money player, c'est un gars qui va... L'évidence qu'il fait partie du sport. Les Sénateurs vont sûrement avoir quand même quelque chose d'intéressant parce que c'est un money player, il est là quand ça compte, lui. Un couteau suisse, ouais. C'est ça, Gabriel Pageau. Puis une blague comme ça que je dis à répétition, c'est que le seul endroit qu'on n'a pas demandé de jouer en ce moment, c'est devant les filets. Puis si on lui demande de mettre les pads, probablement qu'il va être bon aussi. Mais Jean-Gab est capable de jouer dans toutes les facettes du jeu. En ce moment, c'est centre numéro un. Ça acquiesce très bien sa tâche. Vous l'avez vu sur le désavantage numérique, devient un spécialiste. Mais en plus de ça, on lui a donné du temps de qualité sur l'avantage numérique. Une des grosses raisons pourquoi ça fonctionne en ce moment, on a trouvé une synergie. Puis Jean-Gabriel Pageau fait partie de cette solution-là. Puis je te dirais que même dans l'optique où on le garde, probablement que ce gars-là deviendrait ton capitaine pour les prochaines années chez les Sénateurs. On peut bâtir autour d'un gars comme ça. C'est un rassembleur. C'est pas un raw, mais il parle par ses gestes sur la glace. Pour toute formation qui veut donner une profondeur, mais surtout un peu de caractère, j'en garde certainement. Puis la valeur est là. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne le sais. Ben, écoute, deuxième, un espoir, quelque chose comme ça. Mais chose certaine, c'est que Jean-Gabriel Pageau beau son pesant d'or pour peu importe la formation qui va se porter à carrière de ce soir. OK. Nicolas Saint-Pierre, le descripteur des matchs des Sénateurs, un gros merci. Au plaisir de se reparler. Toujours un plaisir. Bye bye. Le descripteur des matchs des Sénateurs, Nicolas Saint-Pierre.